son ranch, pose les bottes, on retrousse ses manches. Objectif le pognon et la maison blanche. Digne fils à papa bien pourri en affaires. Il est pas très doué, il sait pas comment faire. Le fin conseiller, il en a tout un par terre. Que puis-je donc faire pour garder l'audimat? Deux ou trois petites guerres, tenter l'échec et mat. Enfin un jour d'automne, ils arrivent de l'est. Ils allument la mèche, toi tu feras le reste. Là voilà l'occasion, le voilà le prétexte. En avant les avions, allons planter nos pions. Alerte, prends le bas, protégeons la nation. Envoyons nos enfants mater les rébellions. N'ayez crainte mes frères, un cow-boy vous défend. Allons semer la misère, propageons le néant. Découche, bouge, ferme ta bouche. Moi l'humaniste, toi je te botte en touche. Toi qui préfères les baskets aux babouches. Bellique un lieu, tu as les mains sales. Reste bien enfermé dans ton bureau ovale. Les yeux rivés bloqués sur l'axe du mal. Pendant que le monde crève, traîné dans la sciure. Pense à tes billets verts, à tes hydrocarbures. On s'en sortira sans toi. Fais confiance au futur. Fin du premier set, ça leur a tous bien plu. Ils ont peur, ils sont tristes, à tes bobards ils ont cru. Le calvaire recommence, la partie continue. Un ouragan qui passe, des guerres interminables. Tu cumules les fautes, tu en es lamentable. Chaque jour tu t'enfonces un peu plus dans le sable. Ton ambition t'a pourri, il va falloir grandir. De toute cette boue, il faudra te sortir. Bientôt tu seras seul et tu devras admettre qu'au-delà de l'avoir, il y a aussi l'être. Ces hommes à leur fenêtre guettant des jours meilleurs. Ravalant dans leur peine, leur haine et leur rancœur. Rentre vite cow-boy et reprends dans tes bottes. Faire du rodéo, jouer à la belote. La planète rit de toi mais ne peut te sentir. Souillé par tes lois, ta fission sans avenir. Découche, bouge, ferme ta bouche. Moi l'humaniste, toi je te pote en touche. Toi qui préfères les baskets aux babouches. Bellique un lieu, tu as les mains sales. Reste bien enfermé dans ton bureau ovale. Les yeux rivés bloqués sur l'axe du mal. Pendant que le monde crève, traîné dans la sciure. Pense à tes billets verts, à tes hydrocarbures. On s'en sortira sans toi. Fais confiance.